Chapitre 13. Le liseur. Ophélie ne sentait pas le poids brûlant du soleil sur son corps. Elle n'entendait pas non plus le bourdonnement des mouches autour d'elle. Elle ne voyait pas davantage la mer de nuages que fendait lentement la gondole à voile où elle se tenait assise. Toute son attention tournait sur une seule boucle de pensée. Elle allait rencontrer un autre liseur. Un liseur qui n'était pas né sur Anima. Un liseur qui effectuait des recherches au mémorial. « Ça ne peut pas être Thorn !» se répétait-elle encore et encore. « Mon animisme en a fait un passe-miroir, pas un liseur. » Et pourtant, Ophélie ne pouvait s'empêcher de douter. N'avait-elle pas vu ses propres griffes se déclencher à retardement des semaines après le mariage? Avec une gestuelle professionnelle, le zéphyr qui dirigeait la gondole dévia délicatement le souffle du vent de façon à accoster le quai en douceur. Puis il abaissa la passerelle mécanique. Ophélie descendit avec les autres passagers sans avoir à payer la traversée. La bonne famille lui avait octroyé pour la journée une carte perforée qu'il lui suffisait d'introduire dans le rodateur de n'importe quel service public. Cette liberté-là était illusoire. Le pointage permettait au conservatoire de vérifier que les élèves ne circulaient pas en dehors des horaires autorisés par leur permission. On avait accordé 3 heures à Ophélie pour faire ce qu'elle avait à faire, ni plus ni moins. Elle remonta ses lunettes sur son nez. L'île où elle venait de débarquer se tenait à la marge de l'archipel de Babel, dont les aqueducs et les rotondes esquissaient au loin des silhouettes déformées par l'air chaud de l'après-midi. La magnificence de la cité n'était pas parvenue jusqu'ici. Les maisons se tassaient les unes contre les autres comme un seul et même bloc de granit, sans jardin ni fontaine pour adoucir l'ensemble. Il n'y avait pas non plus de pavés sur les routes dont la poussière rouge, soulevée par le vent, crépitait comme de la braise. En revanche, il y avait toute une population de dodos qui se dandinaient dans la rue avec une démarche de pigeons obèses. Jusque-là, Ophélie avait demandé son chemin à des guides publics de signalisation, mais elle ne trouva ici aucune statue automate qui y ressemblât de près ou de loin. « Le domicile du professeur Wolfe, s'il vous plaît. » Ophélie s'était adressée à un passant qui toisa son uniforme de haut en bas avant de lui indiquer la direction du doigt sans lui adresser la parole. Elle s'aperçut bien vite que les habitants du quartier se retournaient sur son passage d'un air hostile. Ils portaient tous des toges et des turbans qui auraient été blancs si la poussière ambiante ne les avait empourprés. Des sans-pouvoirs. Elle fut frappée de voir beaucoup de jeunes gens parmi eux, maussades et désœuvrés, qui jouaient au dé sur le pas des portes. Ils offraient un contraste saisissant avec la suractivité des automates du centre-ville. Ophélie dut redemander son chemin jusqu'à parvenir enfin à un immeuble vétuste, englouti sous les lianes. Un toucan, perché sur la rampe du perron, poussa de grands cris à son approche et une vieille dame somnolente ouvrit la porte. L'uniforme d'Ophélie produisit sur elle l'effet d'un seau d'eau. « Miss ?» demanda-t-elle avec de grands yeux ronds. « Je cherche le professeur Wolfe. » Ophélie n'avait pu empêcher sa voix de trahir l'émotion qu'elle s'efforçait pourtant de réfréner depuis sa conversation avec Octavio. Elle ne devait surtout pas se l'autoriser, cet espoir-là. « Je suis sa logeuse, » répondit la vieille dame avec cette fois une expression ennuyée. « Il possède sa propre entrée à l'arrière, mais j'aime autant vous prévenir. Ce pensionnaire-là, ce n'est pas un commode. » Ophélie ignora de son mieux la crampe qui venait de lui tordre l'estomac. « Il est chez lui ?»« Ah, ça oui, miss, il y est. Il y est même un peu trop, en fait. » Il ne sort plus jamais depuis son accident. Quel dommage! Un homme si intelligent! » Une nouvelle crampe traversa le ventre d'Ophélie. Son accident? Ce n'est pas à moi de vous le dire, miss. Vous n'avez qu'à contourner l'immeuble et frapper à sa porte. Peut-être qu'il vous ouvrira. Peut-être pas. Ophélie se rendit à l'arrière du bâtiment. Les lianes étaient plus abondantes encore ici que sur la façade principale, au point d'avoir entièrement recouvert les volets fermés du rez-de-chaussée. Une vraie prison végétale. Une cachette ne put s'empêcher de rectifier Ophélie, ravalant le peu de salive qui lui restait. Il n'y avait aucune plaque, aucune boîte aux lettres pour indiquer l'identité de l'occupant des lieux. Elle sursauta. À peine s'était-elle approchée de la porte que le heurtoir en avait frappé le battant pour annoncer sa venue. Il s'était animé tout seul. Un bruit infime de l'autre côté de la porte indiqua que quelqu'un avait soulevé le couvercle du judas optique. Ophélie se hissa aussi haut que possible pour être vue. Après un long silence, la porte s'entr'ouvrit à peine, retenue par une chaîne. L'homme ne se montra pas. Il ne dit rien non plus. Seule sa respiration, tendue, profonde, témoignait de sa présence. Il attendait. Incapable d'articuler un mot elle-même, tant sa gorge était nouée, Ophélie glissa l'attestation administrative de la bonne famille par l'entrebâillement. Elle vit de longs doigts gantés s'en emparer avant de disparaître dans la pénombre. Un froissement de papier, un nouveau, interminable silence. L'homme claqua la porte, ôta la chaîne de sécurité, puis ouvrit à Ophélie. À peine posa-t-elle le pied dans le vestibule que la porte se referma toute seule derrière elle. Les nombreux verrous se poussèrent aussitôt d'eux-mêmes dans une série de déclics sonores. Encore éblouie de soleil, Ophélie et ses lunettes ne s'accoutumaient pas vite à l'atmosphère nocturne qui régnait à l'intérieur. L'homme se résumait pour le moment à une ombre anonyme, aussi grand et aussi raide qu'un porte-manteau. Le plancher grinçait sous son pas circonspect. Ses yeux, pareils à deux petites étincelles nerveuses dans un four, ne cessaient de rebondir du papier qu'il tenait à l'uniforme de sa visiteuse. « Des gants, Voilà une requête peu commune. » Ophélie acquiesça en se forçant à sourire poliment. Le professeur Wolfe se révélait progressivement à elle. Ses cheveux, ses sourcils et sa barbiche étaient aussi noirs que sa peau était pâle. Des rides avaient sillonné son front et les pourtours de sa bouche, lui conférant l'allure d'un quadragénaire prématurément vieilli. Ce n'était pas Thorne. Elle avait passé la journée à s'interdire d'espérer. Alors pourquoi avait-elle soudain envie de s'en aller en claquant la porte ? « Vous êtes muette ? En plus du reste ?» L'accent du professeur Wolfe n'était ni tout à fait celui d'un babélien, ni vraiment celui d'un animiste, mais un singulier mélange des deux. Peut-être parce qu'il ne sortait plus de chez lui, il ne respectait pas le code vestimentaire de la cité. Son complet et ses gants noirs, eux aussi, ressemblaient à ceux que portaient les savants du grand observatoire d'Anima. « Non, » finit par marmonner Ophélie. Elle ignorait à quoi se référait « le reste » et elle s'en moquait. Cet homme n'était pas Thorne. Rien de ce qu'il pouvait penser d'elle ne l'intéressait. « Si j'en crois votre papier, vous êtes vous-même une liseuse !» reprit le professeur Wolfe en retroussant les lèvres sur le dernier mot. « Une liseuse qui se promène main nue, de surcroît. Qu'avez-vous fait de vos gants ?» Ophélie se demanda en quoi cela le regardait, mais elle avait trop besoin de lui pour se montrer désagréable. « Ils ont été malencontreusement égarés. Je suis ici pour que vous m'aidiez à m'en procurer une nouvelle paire. La bonne famille prendra tous les frais à sa charge. » « Et je lui rembourserai cette dette en corvée supplémentaire, » s'abstint-elle de préciser. Le professeur Wolfe considéra les mains d'Ophélie avec un regard sceptique. Son extrême raideur était accentuée par une minerve de bois qui lui enclavait le cou et qui, conjuguée à son menton pointu, donnait à sa tête une forme de pioche. Était-ce la conséquence de cet accident dont avait parlé la logeuse ? « Suivez-moi, » lâcha-t-il à contre-cœur. Le professeur fit passer Ophélie du vestibule au séjour où régnait le même crépuscule. La lumière du jour scintillait faiblement à travers les interstices des volets. L'air était irrespirable. Le ventilateur de la pièce ne dispersait ni la fournaise ambiante ni l'odeur de renfermé. Les superpositions d'étagères laissaient deviner, derrière leurs vitrines poussiéreuses, des ossements et des fossiles qui lui donnèrent l'impression d'avoir pénétré dans un cabinet de curiosité particulièrement morbide. Elle fut déconcertée de voir les sièges, les tables et les coffres se reculer sur son passage comme des animaux farouches. Le professeur Wolfe devait vraiment posséder un caractère méfiant pour que son animisme eût à ce point imprégné son mobilier. La surprise d'Ophélie s'accrut en découvrant parmi les trophées de fouilles archéologiques une très impressionnante collection d'armes militaires. Vos recherches portent sur les guerres de l'Ancien Monde ? Elle réalisa trop tard que le mot interdit lui avait échappé. Le professeur Wolf, occupé à fouiller un tiroir, lui décocha un regard noir. Et après, vous allez me dénoncer peut-être ? La loi interdit la détention d'armes, pas d'artefacts historiques. Exaspéré par sa minerve qui l'empêchait de se pencher à son aise, le professeur sortit le tiroir de son meuble et en vida le contenu sur une table. La guerre, poursuivit-il en baissant la voix, est généralement associée à la notion de frontière. La déchirure a fait voler les frontières en éclats. Mais les guerres ont-elles cessé pour autant ? Pour votre gouverne, petite dame, la paix n'est qu'une vue de l'esprit. Il y a, et il y aura toujours des conflits, quel que soit le visage qu'ils revêtent. Vous n'avez qu'à sortir là dehors, vêtu de votre uniforme provocateur, pour le voir par vous-même. Ophélie repensa au sans-pouvoir qu'il l'avait dévisagé avec un mélange de mépris et de convoitise. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait le sentiment d'avoir en face d'elle un interlocuteur doté de bon sens. La déception qu'elle avait ressentie en le rencontrant se dissipa. « Je suis d'accord avec vous. » Alors qu'il extirpait un mètre ruban du fatras sur sa table, le professeur Wolf fronça ses épais sourcils noirs et esquissa un sourire sardonique. « Voyez-vous ça. Un membre éloigné de ma famille, une liseuse qui plus est, débarque chez moi et partage ma vision du monde. C'est mon jour de chance, dirait-on. » Vous ne me croyez pas, constata Ophélie. Depuis que j'ai franchi votre seuil, vous ne m'avez pas cru un seul instant. Pourquoi ? Le professeur déroula le ruban gradué d'un geste vif, comme il l'aurait fait d'un fouet. Je vous l'ai dit, petite dame, c'est la guerre là dehors. Un père animiste, une mère sans pouvoir. Je n'ai jamais été accepté par aucune communauté. Mon existence entière est tissée de conflits. J'ai donc pour principe de considérer chaque être humain comme un adversaire potentiel. Votre main à hauteur de mes yeux, ordonna-t-il d'un ton sec. Ophélie leva le bras pour lui permettre de prendre ses mesures, mais ce ne fut pas une manipulation aisée. Le maître ruban, lui aussi contaminé par la méfiance de son propriétaire, se tortillait pour ne pas avoir à toucher une parfaite inconnue. Ainsi l'ancien monde vous intrigue ? Demanda le professeur Wolf sans se départir de son ton sarcastique. Peut-être que lire quelques-uns de mes fossiles vous intéresserait. Ophélie se mordit la langue. Le ruban lui contractait si fort la main qu'il lui meurtrissait la peau. Les fossiles ne sont pas lisibles, répondit-elle. Pas plus que ne le sont les matières brutes et les organismes vivants. Je suis réellement ce que je prétends être. Si vraiment vous voulez me mettre à l'épreuve, tendez-moi un piège moins grossier. » Le professeur grigna dans un sourire moqueur, puis il reporta les mensurations sur un papier télégraphique. Le simple fait d'écrire était un vrai tour de force avec cette minerve qui lui interdisait d'incliner la tête. Ophélie eut la sensation, peut-être trompeuse, qu'elle venait de marquer un point. « Je veux intégrer les groupes de lecture de Sir Henry au mémorial. On m'a dit que vous faites vous-même des recherches là-bas. » Le crayon du professeur ripa sur le papier. À la surprise d'Ophélie, sa main s'était mise à trembler. « J'en faisais !» corrigea-t-il entre ses dents. « Pourquoi avoir arrêté ?»« Pour une raison qui ne concerne que moi. »« Vous devez tout de même bien connaître l'endroit. »« Suffisamment pour ne plus jamais y remettre les pieds. » Le professeur Wolf se renfrogna comme s'il en avait trop dit. Il enroula son télégramme à l'intérieur d'un cylindre, glissa ce dernier dans le compartiment d'un tube et actionna un levier. Le pneumatique fut aussitôt aspiré par le tuyau. « Voilà. J'ai envoyé la commande de vos gants auprès de mon fournisseur personnel. Il se mettra directement en relation avec la bonne famille pour vous les livrer d'ici quelques jours. Satisfaite ?» Ophélie hésita. Les questions lui brûlaient la gorge sur le secrétarium en particulier, mais insister reviendrait à rendre cet homme encore plus soupçonneux qu'il ne l'était déjà. « Pourriez-vous me prêter une vieille paire dont vous n'avez plus l'usage ? Je lis tout ce que je touche depuis ce matin. Je ne tiendrai pas plusieurs jours ainsi. » Le professeur Wolfe pinça la bouche comme s'il s'apprêtait à refuser net, mais il se ravisa avec un soupir excédé. « Donnez-moi un instant. Surtout, ne touchez à rien !» Il monta un escalier aussi grinçant que lui, laissant Ophélie seule au milieu des collections. Elle marcha le long des armes militaires, s'attardant devant la brise tiède du ventilateur. Elle eut un léger choc en tombant sur un miroir poussiéreux fixé au mur. Elle ne s'était pas regardée dans une glace depuis son arrivée au conservatoire. Il lui fallut quelques secondes pour se familiariser avec cette petite femme en uniforme, aux joues comme des pêches et aux boucles en pointe d'interrogation. Sans ses longs cheveux envahissants, sa robe collet monté et sa vieille écharpe, son cœur se serra douloureusement à cette pensée. Elle se reconnaissait à peine. Se montrer au monde à visage découvert, c'était son meilleur déguisement. Un déguisement plus efficace encore que la livrée de mime sous laquelle elle s'était longtemps cachée au pôle. Alors qu'Ophélie s'avançait vers une ancienne photographie qui montrait un chantier archéologique, elle effraya une corbeille qui fit un bond de côté pour l'éviter. Elle n'avait pas dû être vidée depuis longtemps car elle débordait de boulettes de papier dont une partie se déversa par terre. Ophélie se dépêcha de les remettre en place, mais l'une d'elles provoqua en elle une si violente émotion qu'elle en eut le souffle coupé. De la peur à l'état pur, la peur du professeur Wolfe. Ophélie considéra la lettre froissée qu'elle avait laissée tomber sur le parquet comme un charbon ardent. Si le professeur Wolfe avait contaminé ce papier de sa peur, c'était qu'il ne portait pas de gants au moment de le toucher. Aucun liseur expérimenté ne manipulerait une lettre à main nue, à moins de vouloir s'assurer de l'honnêteté de son expéditeur. En d'autres circonstances, jamais elle ne se serait autorisée à aller plus loin, mais sa curiosité fut cette fois plus forte que sa conscience. Avant de réaliser ce qu'elle faisait, elle défroissa la feuille dans la faible clarté des volets. « Cher confrère, j'ai été chagriné d'apprendre votre accident. Cette chute d'escalier aurait pu complètement vous briser le cou. C'est une chance, pour vous comme pour nous tous, que vous vous en soyez sorti indemne. J'espère avoir le plaisir de vous revoir bientôt au mémorial et aux réunions académiques. Vos recherches ne font peut-être pas l'unanimité, elles ne présentent pas moins un intérêt fondamental pour notre discipline. À ce sujet, j'ai étudié l'échantillon que vous m'avez envoyé. Sa composition est fascinante. La datation m'a donné du fil à retordre, mais mon expertise a fini par se ranger à la même conclusion que la vôtre. Puis-je vous demander de quel document est extrait votre échantillon ? Je vous prie, cher confrère, de recevoir l'expression de ma sincère bienveillance. Signé, votre dévoué ami et confrère. Les doigts d'Ophélie tremblaient de la terreur qu'avait ressentie le professeur Wolfe à la lecture de ces lignes. Elle n'en comprenait pas la raison et elle n'eut pas le temps d'approfondir la question. Le pas de l'homme résonnait dans l'escalier. Elle froissa le papier puis le jeta à la corbeille, mais sa maladresse lui fit complètement rater sa cible. « Tenez !» dit le professeur Wolfe une fois en bas en présentant des gants noirs. « Inutile de me les rapporter, je ne les réutiliserai pas. » Ophélie les enfila en évitant de le regarder en face. Elle se sentait si secouée par sa lecture, si coupable d'avoir trahi sa déontologie, qu'elle ne put s'empêcher sa voix de chanceler. « Merci. » Le professeur Wolfe avança la mâchoire, allongeant davantage son menton, tandis que ses yeux, redevenus méfiants, ricochaient aux quatre coins de la pièce. Ophélie avait espéré que sa minerve l'empêcherait de voir la boulette de papier sur le parquet, mais il finit par tomber dessus. La stupeur, la terreur et la fureur se mélangèrent aussitôt sur sa figure. « Je suis désolée, » dit impulsivement Ophélie. « La lettre était tombée, je voulais juste la ramasser, je n'aurais pas dû... » Elle n'arriva pas jusqu'au bout de sa phrase, le professeur Wolfe lui avait empoigné le bras pour la projeter contre le miroir mural qui se brisa en mille morceaux. « Sale petite espionne !»« Non » affirma-t-elle en se redressant douloureusement, à moitié assommée. « Je ne suis pas votre ennemi. Je veux sincèrement comprendre ce qui vous est arrivé. » Hors de lui, le professeur la saisit par le col de sa redingote et la hissa à lui faire perdre pied. Pour quelqu'un qui avait le cou démantelé, il ne manquait pas de vigueur. « L'humanité entière est mon ennemi !» siffla-t-il entre ses dents. « Intégrez donc les groupes de lecture de Sir Henry, petite fouineuse. Je vous souhaite bien du plaisir, sortez de chez moi » ordonna-t-il en la lâchant brutalement. Ophélie se rua dans le vestibule, la porte tira d'elle-même ses verrous pour lui livrer le passage, puis se referma à toute volée dans son dos, l'expulsant des lieux avec la puissance d'une catapulte. Ophélie tomba à genoux dans la cour de l'immeuble, le cœur frappant ses côtes. Lorsqu'elle releva ses lunettes encore bleues de frayeur, elle croisa le regard de la logeuse qui passait un coup de balai au soleil, son toucan sur l'épaule. « Je vous l'avais dit, miss, ce pensionnaire-là, ce n'est pas un commode. »